À la guitare, c'est Giorgio. Giorgio. Attends, Giorgio. Mesdames et messieurs, Giorgio à la guitare. Ça va Giorgio? Est-ce que ça va Giorgio? What's the kind of the wisdom.